Oh, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Voix des Guerriers. Frédéric Lhomme, Nouvelle Garcia, est près de moi, comme d'habitude. Et on reçoit aujourd'hui Yvan Sorel, un Français. On va apprendre un peu qui est Yvan Sorel et son équipe également. Ce sera, on l'espère, très intéressant. Alors, bonjour, monsieur Yvan Sorel. Ben, bonjour à tous, bonjour à la radio La Voix des Guerriers. Et bien sûr, bonjour à tous nos amis canadiens. Donc déjà, merci de m'avoir accepté en tant que combattant et en tant qu'une personne pour raconter un peu mon parcours martial et puis voilà quoi. Ben commençons un peu avec ça, votre parcours martial. Mais avant ça, là vous avez quel âge? Ben moi j'ai 22 ans. Donc je suis professionnel de Free Fight depuis l'âge de 18 ans. Donc j'ai 4 combats professionnels, dont 2 victoires et 2 défaites. Et je vais mener mon 5e combat professionnel lors du Fight Way Challenge Ultimate Bushido, qui aura lieu le 6 février à Marseille, donc contre le sparring partner de Monsieur Samy Schiavo, qui est combattu à l'UFC, qui est Bruno Fratini. Voilà. Ah, parfait. Alors, on va parler de ce combat-là un peu plus tard, mais moi, je suis bien curieux d'apprendre un peu votre parcours dans les arts martiaux, parce que je sais que vous avez fait, entre autres, puis je ne sais pas si vous continuez à faire également du Kung Fu. Alors, commençons. Votre découverte des arts martiaux se fait à quel âge? Alors, ma découverte des arts martiaux se fait à l'âge de 12 ans. Donc, ça fait 10-11 ans que je pratique le Kung Fu Wushu. Plus particulièrement le Sanda, donc qui est la boxe libre chinoise, qui se rapproche un peu plus du free fight et tout ce qui se rapproche du combat moderne. Okay. Donc, j'ai été champion de France de Kung Fu, une multitude de fois de champion de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une région de France, bien sûr, et vainqueur de la Coupe de France, sélectionné à l'équipe de France pour représenter la France dans des Open internationales et nationales. À la suite de ça, je me suis orienté aussi vers un art martial traditionnel qui s'appelle le Kenpo, où je reviens d'ailleurs de la Roumanie en novembre, où j'ai effectué mon championnat du monde, où j'ai fait ma deuxième place en Kenpo full. Ça ressemble aussi à du MMA, où il y a quand même du pied-point, de la projection et des frappes au sol, mais en kimono et avec des protections. Ah, d'accord. J'aimerais en revenir un peu au Kung Fu. Il y a plusieurs styles de Kung Fu. Est-ce que vous en avez étudié un en particulier? Évidemment, les plus connus, il y a le Wing Chun, Bruce Lee a entamé son processus en arts martiaux avec le Wing Chun. Il y a plusieurs autres styles. Est-ce qu'il y a un style en particulier de Kung Fu que vous avez appris? Ben, le style de mon Shifu qui est mon maître, donc c'était le style de la main de Bouddha. Donc c'était un style du Nord où c'était un Kung Fu très très rude, où on se servait beaucoup des membres supérieurs, des bras, des coudes, des projections. Donc c'était beaucoup basé sur du Sanchu Sanda. Donc quand on parle de Sanchu Sanda en Kung Fu, c'est pas beaucoup des techniques de Tao. Donc les Tao c'est des katas, c'est des formes de combat imaginaire. Nous c'était beaucoup par rapport à du combat, à de l'opposition. Voilà, donc c'est beaucoup sur des blocages, sur du self-défense, tout ça, quoi. OK. Alors, vous faites pas nécessairement, parce que vous vous enseignez également, je pense, les arts martiaux, Yvan Sorel. Est-ce que vous pratiquez les Taolu, les formes, les Tao? Oui, les Taolu, je le fais beaucoup parce que c'est codifié, c'est des gestes codifiés pour les enfants, parce que le Team Sorel, c'est mon école. Et depuis l'âge de 18 ans, d'ailleurs, quand j'ai passé professionnel en Free Fight, j'ai décidé d'ouvrir d'ouvrir ma section de Kung Fu, quoi, au tout début, parce que je suis quand même diplômé d'État, diplômé d'instructeur fédéral au sein de la Fédération française. Donc, j'enseigne les Tao, les formes basiques pour les plus jeunes, quoi, parce que c'est important de travailler sur des bonnes valeurs martiales, quoi. Oui, c'est ça, c'est des traditions qui se propagent depuis plusieurs années. Puis en même temps, surtout pour les jeunes, ben ça fait travailler la coordination, puis la Tout à mémorisation fait. des mouvements. Ça a de ça de positif. Ils Oui, ont quel Fred. âge, les plus jeunes que vous avez? Ben, les plus jeunes, ils ont 5 ans. D'ailleurs, ils ont combattu hier. Ils ont, sur 15 inscrits, juste un petit aparté, je fais. Hein. Ils ont fait, on a fait 7 champions de, quoi, 6 champions de Provence, 3 places de deuxième. Ils ont bien combattu. C'était juste pour leur faire un petit big up, quoi, un petit salut. Donc, Ouais, voilà. mais moi et Ken, souvent, on aime parler du fait que certains parents, des fois, ont peut-être une peur d'amener leur enfant aux arts martiaux. Peut-être si vous voulez prendre 2 minutes pour contrer cette peur-là que certains parents ont en leur disant qu'ils devraient pas avoir peur d'embarquer leurs enfants dans un art martial. Ah, tout à fait. Ben, moi, ce que j'aime aux parents d'élèves, dès qu'ils voient des combats, par exemple, un peu rudes à la télévision, tout ça, c'est vrai, comme vous dites, Ken, c'est que, ils ont peur, ils ont l'appréhension suite aux médias, suite à la télévision, tout ça. Mais en fait, les arts martiaux, c'est surtout, pour en revenir aux enfants, c'est important parce que moi, je suis aussi coordinateur dans un collège dit sensible en France, où je m'occupe d'un atelier prévention violence. Et en fait, nous enseignons les arts martiaux. Et les arts martiaux, en fait, il n'y a aucun acte violent. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs martiales comme le respect, l'honneur, la fidélité. Ce sont des mots-clés, en fait. Et en fait, quand on commence à leur apprendre ces valeurs-là, l'individu même il avait, par exemple, il a un passé, on va dire, très difficile au niveau de son comportement et tout ça, et bien en fait, dès qu'il pratique les arts martiaux, ça va l'apprendre à se canaliser, à apprendre que ses membres supérieurs et membres inférieurs, comme les bras, les pieds et tout ça, et bien ça peut causer d'énormes dommages s'il se bat, s'il fait quelque chose. Donc, au niveau de l'individu, les arts martiaux, ça sert beaucoup pour se calmer. Alors, pour les enfants, moi, je pense que quand on a des enfants turbulents, quand on a des enfants... Tout ça, ben, il faut pas hésiter à les mettre dans des dojos, dans des formes traditionnelles d'arts martiaux et même pourquoi pas modernes. Parce que pour l'instant, les arts martiaux, j'ai pas vu de, par exemple, je sais pas comment bien m'exprimer, comme j'ai pas vu de choses néfastes dans les arts martiaux au niveau des enfants. Oui, Quoi, oui. ça me rappelle quelque chose. Un vieux maître de karaté que j'ai lu dans un article qui disait que meilleur était son karaté, puis moins il en avait besoin dans la vie. En ce sens que je pense ce que les arts martiaux apportent, c'est également, surtout pour les jeunes, une espèce de confiance en eux-mêmes. Puis moi, j'ai l'impression que les enfants qui sont victimes d'intimidation la plupart du temps à l'école ou autre part, ce sont des enfants qui sont un peu victimes d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils manquent de confiance en eux, et Manque puis c'est là, d'assurance, tout à fait. effectivement, puis c'est là que d'autres personnes peuvent profiter de ça pour, bon, évidemment, il y aura toujours des gens qui s'en font plaisir en écrasant des autres, mais je pense que les jeunes, lorsqu'ils ont confiance en eux, bien, ils sont, c'est plus difficile de pouvoir les intimider, puis les arts martiaux, ça apporte ça, entre autres, puis en plus, pouvoir travailler avec d'autres jeunes ensemble. Ça peut être n'importe quelle activité, mais je pense que les arts martiaux ont beaucoup de bienfaits. Puis je comprends, le but, c'est pas nécessairement tous de devenir des combattants, mais juste de pratiquer une activité physique, puis d'apprendre plein de choses que les arts martiaux peuvent prodiguer, parce que les arts martiaux, c'est une activité vraiment complète, que ce soit philosophiquement, évidemment, bon, physiquement, c'est exigeant aussi. Alors, je pense que les arts martiaux, pour les parents, il me semble que c'est une bonne façon de pouvoir guider leur enfant dans un chemin Dans une bonne sécuritaire. voie, tout à fait. J'aimerais revenir également, bon, sur le Kung Fu. Est-ce que, bon, le Kung Fu, plusieurs styles de Kung Fu aiment bien travailler les positions, que ce soit bon, la position Sepping Ma, là, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, ou Mabo, ou la position cavalier, là, Mabou, tout à fait, ouais. ouais, Tout à fait, Mabou. dans Après, plusieurs ça styles. dépend les écoles, tout ça. Je sais que nous, au niveau de notre école, c'est une école qui travaille beaucoup sur l'endurcissement, le psychologique, donc tout ce qui est posture mabou, les gombou, alors c'est-à-dire les cavaliers, les positions sur une jambe, la stabilité, on le travaille, même les professionnels qui combattent en combat moderne, style le pancrace, le kenpo, le grappling, eh ben ils travaillent sous ces formes-là parce que en fait travailler par exemple 10 minutes de mabou c'est très important pour la stabilité, le déplacement des combattants et même le mental, parce que tenir sur une position statique pendant un moment, croyez-moi sur parole que c'est pas évident. Donc ça c'est très important pour au niveau de la préparation quoi. Tout ce qui est traditionnel ou tout ça, c'est important. Alors, ben, j'invite les gens peut-être qui sont comprennent peut-être la position mabou, bon, la position cavalier là, qui pratiquée dans plusieurs styles d'arts martiaux. Ben, c'est simplement là, c'est un peu, on est assis mais il n'y a pas de chaise là. Là, vous me parlez de 10 minutes, alors on voit l'effort que ça peut demander. C'est exigeant. Puis je trouve que c'est une belle tradition également à passer parce que. Tu sais, dans le fond, pour pratiquer des arts martiaux, souvent, pas besoin de poids et haltères, pas besoin d'outils. T'as besoin de, bon, deux pattes, deux bras, là, puis t'es parti pour pouvoir t'entraîner longtemps. Il y a plein de choses à faire, dont cette position-là. Est-ce que vous travaillez également, bon, les exercices de Qigong, les exercices de respiration et de santé traditionnels, bon, de certains styles de Kung Fu? Ben moi personnellement dans ma recherche moi je sais que quand je prépare un combat j'ai besoin de travailler mon tai chi, c'est-à-dire le tai chi chuan. Ce sont des formes de tao très très très très très, très lentes pour travailler les déplacements, travailler le système respiratoire pour s'évacuer un peu. Ça je le travaille parce que quand on prépare un combat il faut être sain, dans un esprit zen, donc et après dans au sein du club, c'est vrai que on le pratique pas tellement parce que il faut bien travailler les tao tout ça, mais après c'est vrai que j'ai un public qui est quand même assez jeune et si les jeunes ne sont pas vraiment ancrés dans les arts martiaux, ben faire une forme de tai chi chuan tout ça, c'est pas très bien vu parce que au niveau du public parce qu'ils n'arrivent pas trop à travailler et quand un individu n'arrive pas trop à travailler ils aiment pas trop, donc moi personnellement je sais que je le pratique, mais après au niveau de mes élèves je leur fais pas faire beaucoup de tai chi chuan tout ça, c'est beaucoup plus de l'externe, donc parce qu'ils sont demandeurs de ça en fait, le public est demandeur de ça, donc voilà. Vous avez mentionné l'esprit zen, est-ce que avant un combat vous aimez mieux avoir l'esprit complètement relax ou vous aimez ça trouver une genre d'agressivité peut-être en dedans avant le combat? Ben, à vrai dire, le premier combat, j'ai voulu être agressif, je me mettais des images dans ma tête très violentes, tout ça, et je me suis fait avoir parce que je suis rentré comme un bourrin en parlant familièrement. Et depuis ce combat-là, en fait, j'ai appris à me canaliser, à enlever mon superflu négatif et à penser à ce que je devais faire dans mon combat et à travailler sur mon mental, tout en pensant positivement, quoi, à travailler mes enchaînements dans ma tête, à tout ça. Donc c'est vrai que la plupart des combattants, quand on les voit dans les vestiaires en train de s'échauffer, ils se bourrent le crâne sur des esprits négatifs, quoi. Faut faire ci, faut que tu fasses ça, travaille-le, bouffe-le. Donc c'est vrai que quand on est dans un autre côté, c'est vrai que ça peut dépendre de l'individu, mais moi ça m'apaise maintenant de penser positivement et relax, quoi. Et dans votre coin, est-ce que votre entraîneur, il est comme vous ou il est du genre à vouloir vous choquer un peu ou... Ben moi, dans mon coin, comme j'ai pas un entraîneur fixe, ça peut dépendre, mais j'ai beaucoup mon père, donc mon père, il me relaxe assez et bon, il m'encourage de la sorte du style allez vas-y bon bleu tout ça quoi. C'est normal mais c'est relax quoi, c'est relax, donc maintenant bon vous voilà. Avez fait du sanda qui je pense c'est exactement la même chose que le sanshu là, c'est juste une tout autre affaire. C'est... ok bon maintenant le passage du sanshu au pancrase puis au MMA, pourquoi avez-vous fait cette conversion-là? Est-ce que votre objectif, c'est de devenir un combattant de MMA à part entière le plus rapidement possible et de vous exécuter et peut-être essayer d'en faire votre gagne-pain? Ben, je vais pas vous mentir, faire mon gagne-pain, ce serait un peu le rêve hein, pour moi, parce que je suis passionné dans un premier temps, je suis amoureux de cette discipline, je suis à fond pour le développement du MMA en France, parce que je suis organisateur de galas, j'essaye de remettre des images positives pour ce sport. Donc c'est vrai que si je pourrais gagner ma vie à travers cette discipline-là qui est le MMA, ce serait un rêve. Ensuite, vous avez parlé de conversion entre le Sanda et le Pancrace et le MMA. C'est vrai que ça a été très difficile durant 6-7 mois parce que moi je venais du pied-point, comme vous pouvez l'entendre, Sanda, c'est tout ce qui est frappe avec les poings au visage, au corps, les coups de pied dans toutes les parties du corps et les projections. Oui. Mais dans le Pancrace et le MMA, il y a du grappling, il y a du jiu-jitsu brésilien et des formes de sambo. Donc, dès qu'on ne sait pas faire du sol, ben, on déguste des omoplata, des kimura, des étranglements. Donc, c'est pas très évident. Non, c'est pas Donc, facile. On voit que le MMA, c'est vraiment un sport puis un univers tellement complet. Et vous, évidemment, pour vous familiariser au sol, est-ce que vous suivez également des cours de jiu-jitsu brésilien ou de d'autres formes de grappling afin de pouvoir faire de vous un combattant complet? Depuis que j'ai perdu mes deux combats sous soumission, ça m'a mis tellement la rage que maintenant je tourne beaucoup avec des partenaires d'entraînement en grappling et je tourne un peu. Je sais pas si on peut faire de la pub, non? Dire l'école où je pratique un peu le jiu-jitsu. Oh, il n'y a Oui, vraiment gênez-vous pas. aucun problème. Nous, Ok. on veut partager l'information, évidemment, aux gens. Nous, notre objectif, évidemment, s'il y a des commanditaires, parce qu'il y en a déjà qui ont communiqué avec nous, puis évidemment, on est très heureux d'avoir des commanditaires, mais en même temps également, nous, notre objectif ultime, c'est de transmettre le message, la bonne nouvelle au plus large public possible, de parler d'arts martiaux, de parler des différentes écoles. Ça, vraiment, nous, on n'a pas de problème. À moins que vous vouliez nous vendre des produits qui n'ont rien à faire avec les arts martiaux, là, évidemment, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous nous parlez d'arts martiaux, vous pouvez nous parler de n'importe quelle école. Ça va nous faire le plus grand Ok. des plaisirs. Ah ben nickel, nickel chrome. Donc comme vous m'avez dit là, si je pratiquais un peu le jiu-jitsu, bon j'ai tourné un peu avec une école qui est vers le quoi dans le sud de la France, qui est à Saint-Raphaël, qui est le HB Academy, qui est un style de jiu-jitsu brésilien de la Riva. Donc j'ai un peu pratiqué avec eux, avec Hervé Bourguillot, qui est le référent de cette école, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc ça m'a permis un peu de travailler les bases, d'avoir des de me sentir un peu mieux dans mon combat au sol. Et après, j'ai fait de nombreux stages de MMA en France avec des célébrités comme, je ne sais pas si vous connaissez, Farid Kader, Absolument. Puis qui d'ailleurs, est quand même un ami. on lui a parlé hier, en fait, à Ferid Kader, hier ou avant-hier, puis l'entrevue devrait être en ligne incessamment, qui vient tout juste de signer un contrat pour une organisation majeure aux États-Unis, le Au Bellator, c'est Bellator. bien Oui, ça. effectivement. Tout à Alors, fait. ben, je vous laisse poursuivre, là, je vous ai coupé. Donc, avec Farid Kader qui est venu justement à Saint-Raphaël, eh ben, on a pu travailler des bases et des exercices qu'on peut retravailler maintenant, que je peux retravailler maintenant avec mes élèves au sein du Team Sorel. Et mon sol s'améliore de jour en jour et je me sens un peu mieux. Voilà. Avez-vous autant de plaisir à apprendre votre sol que vous en aviez quand vous avez développé vos techniques debout, ou est-ce que le sol est un peu plus à contre-cœur? Ah non, ça y est. Maintenant, il est plus à contre-cœur. Ça y est, je peux vous assurer que maintenant, vous allez voir les combats qui vont venir. Il va y avoir des soumissions de la part de Monsieur Sorel. C'est pas un souci. Mais je me sens vraiment à l'aise. Donc, même dans mon enseignement, j'enseigne le sol avec grand plaisir parce que j'ai vu et je sais maintenant que c'est vraiment important dans un combat. Tout ce qui est soumission, c'est vraiment important, quoi. Effectivement, parce que pourriez être le meilleur debout, le meilleur combattant pied-point au monde en MMA, c'est certifié. pas d'avoir beaucoup de succès parce qu'évidemment, en MMA, il faut vraiment être complet. Évidemment, il faut se débrouiller debout. C'est ultra important parce que le combat commence debout, là. Mais également, il faut être bon également en technique rapprochée au sol. C'est ce qui fait que c'est un sport vraiment incroyablement complet. Évidemment, bon, les projections de Sanshu et de Sanda font en, c'est des techniques qui peuvent être spectaculaires, mais est-ce que c'est des techniques également qui sont très efficaces en MMA ou vous essayez également de prendre soit des techniques de judo ou de MMA pour ou de lutte et, également pour évidemment avoir plus de succès pour amener un combattant au sol? Tout ce qui toutes les projections de Sanda, c'est vrai qu'ils sont spécifiques à un style parce que il y a pas de coups de genou, tout ça. Maintenant les projections en MMA, il faut savoir bien les effectuer et c'est vrai que je me sers beaucoup plus de celle de la lutte et du sambo parce que sambo il y a beaucoup des saisies de jambes des deux jambes, des single leg, double leg, tout ça, donc il y a des fois possibilité de se servir des projections de Sanda, mais le plus souvent c'est celle de sambo et de judo qu'on récupère en projection. Donc c'est vrai qu'on retravaille sur des projections diverses. Voilà. Et parlez-nous un peu de votre rythme d'entraînement à vous. Combien d'heures par semaine, combien de jours par semaine vous vous entraînez? Puis j'aimerais ça vous nous parler également de votre école. À quel endroit elle est située exactement en France? Puis bon, peut-être le nombre de cours que vous donnez par semaine. Ok. Mon programme d'entraînement, comme je suis pas en France, les professionnels ils travaillent pour survivre parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on gagne pas notre vie en combattant, malheureusement, parce que c'est déjà c'est interdit le MMA est interdit en France, donc déjà c'est pas très bon pour nous professionnels. Donc moi je travaille toute la journée. Je à 17h j'ai fini mon travail, et ben je commence l'entraînement à 18h pour terminer vers les coups de 21h, 21h30, du lundi au vendredi non-stop. Donc c'est toute la semaine, sauf le week-end, parce que le week-end je préfère me reposer, mais bon, je fais quelquefois du footing ou un peu de gym ou un peu de musculation, mais c'est vraiment light, quoi. C'est vraiment, j'essaie de sortir un peu du contexte préparation, tout ça. Ça c'est quand je prépare pas de compétition. Maintenant, quand je prépare une compétition ou quand je prépare un combat vraiment éprouvant, comme celui-là que je vais faire le 6 février, je travaille, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un collège. Et en fait, dans ce collège, il y a un gymnase, donc je m'entraîne entre midi et deux. Donc je m'entraîne 1 heure et je m'entraîne 3 heures le soir. Donc ça fait 4 heures d'entraînement par jour, toute la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Vous... Parlez-nous de ce combat le 6 février prochain face à Bruno Frantini. Tout à fait. Un gars qui s'entraîne avec les frères Schiavo, alors à la Bushido Academy. C'est quoi le style de votre adversaire? On imagine qu'il va être complet. Vous, ça va être quoi votre plan d'action? Parlez-nous un peu de cet affrontement-là. Pour cet affrontement contre Bruno Frantini, je pense que... Bon, j'ai déjà eu l'occasion d'affronter ce combattant lors d'une compétition de grappling et j'avais effectivement quand j'avais perdu sous triangle. Bon, j'avais pas de base au sol bien. Bon, cette fois-ci, je suis, on va dire, complet au sol et complet debout. Ce combattant est plus âgé que moi, il a déjà plus de bouteilles en parlant vulgairement, c'est-à-dire qu'il a plus d'expérience que moi. Au niveau des combats de MMA, parce qu'il a déjà combattu en cage, en Italie, en Angleterre, tout ça. Donc pour moi, c'est un challenge d'affronter Bruno Frattini. Bon, moi, je commence, hein, je livrerai mon 5e combat professionnel. Donc, mais bon, j'ai 22 ans, j'ai le temps de me perfectionner. Mais je mise beaucoup pour ce combat parce que j'ai vraiment une envie personnelle d'effacer ma défaite que j'avais subie lors de cette compétition en grappling et de prouver à tout le monde que j'ai les crocs, quoi, parce que je veux gagner ce combat et voilà. Ah. Ce combattant allez-y j'allais dire seulement à 22 ans. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un de jeune de 22 ans de justement rester déterminé sur un plan de carrière? Parce que vous me semblez très déterminé à un jeune âge, ce qui est félicitations, parce que des fois, à un jeune âge, on peut peut-être se laisser aller vers des mauvais chemins ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça dépend aussi le mode de vie, le contexte familial, le contexte des amis que nous avons. Moi, je sais que les arts martiaux, ça, une personne qui aime les arts martiaux, il ne pourra pas se permettre d'aller faire des bêtises ou aller faire des choses à l'encontre du bien-être. Donc, les arts martiaux, pour moi, ça m'a sauvé déjà. Et bien sûr, ça me donne un mode de vie. Pour moi, c'est ma religion, quoi. Les arts martiaux, c'est un truc qui est en vous et ça peut vous apporter que du bien parce que il y a, comme je vous ai dit, hein, c'est des valeurs, c'est des vertus, c'est voilà quoi. Je sais pas après comment bien m'exprimer parce que j'ai pas trop l'habitude de parler une radio, donc c'est intéressant ce que vous dites parce que pour moi ça s'applique même plus qu'aux arts martiaux. Ça peut s'appliquer à un étudiant, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines où ce que à un jeune âge c'est bon d'avoir une certaine détermination et savoir un peu ce qu'on veut et pas lâcher. Alors en tout cas c'est ce que je ressens quand je vous entends parler et félicitations pour ça. Merci pour tout. Hein. Maintenant, bon, revenant un peu à vous, puis votre style de combattant, je me questionne, est-ce que vous également, bon, en position debout, bon, vous, évidemment, vous êtes un pratiquant de Kung Fu, où on est habitué à distribuer des coups de pied, des coups de poing, mais c'est un style qui, c'est un art martial traditionnel, le Kung Fu, un peu à l'instar du karaté, puis de plusieurs autres styles, qui n'ont pas nécessairement, sur la scène internationale en MMA, ont pas beaucoup de succès. Il y a Lyoto Machida, évidemment, un représentant du karaté Shotokan, qui lui, bon, là, il est champion actuellement. Mais si on regarde, en général, les combattants, ce sont des gars qui pratiquent surtout la boxe, le muay thai, le kickboxing. Est-ce que vous, le style de Kung Fu que vous avez appris, vous avez dû y apporter plusieurs adaptations pour... évidemment, que ce soit plus efficace dans un combat de pancrase ou un combat en position debout face à un adversaire qui provient souvent du Muay Thai ou d'un style un peu plus moderne de combat? Non, déjà, moi, je vais vous dire un truc. C'est moi, le Kung Fu, pour moi, c'est le meilleur art martial au monde, pour moi, parce que c'est moi, hein. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de chance tous les pratiquants de Kung Fu, on n'a pas de chance avec tout ce qui est Internet, les médias, la télévision, les films. Parce que quand vous voyez un Jackie Chan en train de faire la position du serpent et un tigre, je sais que moi, dans un combat, je me permets pas de faire la danse du tigre ou la danse du lion ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça nous fait un peu de la mauvaise pub. Ensuite, moi, je sais que, les pratiquants de karaté, les pratiquants de boxe thaï et tout ça, ils ont plus de chances de parler de leur je sais pas comment vous expliquer. Ils ont plus de couverture de leur style, médiatique. On va dire ça comme ça. Oui. Voilà, de couverture médiatique. C'est vrai qu'on a quand même Gung Li qui est quand même une célébrité du MMA et qui vient du Sanda. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui viennent du Kung Fu. Ou peut-être il y en a qui pratiquent, mais ils ont peut-être honte de dire qu'ils font du Kung Fu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup aidé avec les médias, avec tout ça, de dire qu'un combattant vient du Kung Fu, parce que Kung Fu, pour la plupart des pratiquants, rime avec la danse du serpent, la danse de beaucoup de choses. Donc, alors vous en faites une fierté, vous, hein? je vous écoute là. C'est une fierté pour vous de vous présenter dans un combat et en même temps, bon, vous représentez vous, Yvan Sorel, votre équipe et également le Kung Fu. Alors moi, d'abord, entre guillemets, je représenterai plutôt le Kung Fu, mon team. Parce que le Kung Fu, quand je représente le Kung Fu, je représente mon maître. Donc, c'est le Kung Fu. Si je suis arrivé là où j'en suis maintenant, même si je suis en train de vous parler de décrire mon team, mon début de carrière, tout ça, c'est grâce au Kung Fu. C'est pas grâce au MMA ou quoi que ce soit, c'est grâce au Kung Fu. C'est, moi, je sais que arrivé à 50 ans, je pourrais toujours pratiquer du Kung Fu. Donc, c'est un honneur. Et quand je vois aussi des affiches, où, par exemple, comme le 6 février, vous voyez, par exemple, Ultimate Bushido, et vous voyez les différentes activités martiales que les adversaires ont pratiquées, comme vous voyez, par exemple, du sambo, grappling, jiu-jitsu brésilien, karaté, et à la fin, vous voyez Kung Fu, parce qu'il y a un représentant de ce style-là qui combat et qui s'appelle Ivan Sorel, c'est magnifique. Moi, je sais que j'ai tout fait, là. Quand on voit ça, ben, j'ai tout gagné. Même en perdant un combat ou en gagnant, je sais que j'ai déjà gagné parce que j'ai représenté les valeurs de mon art martial et de dire que le Kung Fu, il a cette image hollywoodienne et l'image réelle. Voilà. En MMA, on atteint son apogée quoi, autour de 30 ans, disons. En Kung Fu, bon, évidemment, le Kung Fu, c'est pas juste un sport de combat, c'est un art martial à part entière, et bon, on peut le pratiquer jusqu'à notre mort, et on peut toujours se perfectionner, bon, à 22 ans à peine, vous, évidemment. Est-ce que vous perfectionnez encore dans le Kung Fu? Est-ce que vous avez fait des stages, peut-être, peu importe que ce soit en Chine ou avec les moines Shaolin, est-ce que ça, c'est également une aventure qui vous tente de perfectionner votre Kung Fu? Ben, en fait, moi, je sais que mon Kung Fu, le Kung Fu de la Main Bouddha, on va dire que on va pas dire qu'on maîtrise à 100% parce que chaque jour on en apprend, mais je sais que je connais tout le répertoire technique de ce style-là. Mais maintenant, comme j'ai un ami aussi qui est professeur de Kung Fu, d'un autre style, qui vient d'un style chino-vietnamien, qui est notre style, qui est complètement différent du mien, eh ben, souvent je vais prendre des conseils, je vais aller entre guillemets voler un peu des techniques pour reperfectionner mon style et innover sans cesse quoi, parce que le kung fu il y a pas d'âge pour apprendre et c'est il y a toujours de la recherche martiale qui est continuelle quoi, c'est tout le temps on en apprend et chacun a son propre style, genre vous là qui me parlez, vous allez venir faire un cours de Kung Fu chez moi, vous allez apprendre tout le répertoire technique de ce style-là, mais je sais que vous aurez votre style à vous, c'est-à-dire votre aisance, votre manière d'exécuter les mouvements, donc ça se ressemblera pas. Donc voilà quoi. Oui, ok. C'est intéressant. Bon, je parlais un peu de Wing Chun tout à l'heure, puis le Wing Chun est entre autres connu beaucoup pour ses techniques de main collante, le Chi Sao. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le Chi Sao qui a été popularisé par leur grand maître, entre autres Yip Man, mais surtout par Bruce Lee? Non, je connais parce que j'ai regardé une multitude de documentaires sur le Wing Chun, tout ce qui est l'art du blocage, tout ça. Mais des compétitions de Chi Sao, il y en avait en France, mais j'en ai pas effectué parce que ça m'a pas tenté, quoi. Ça m'a pas. Mais ça a l'air très efficace, hein, je n'en doute pas. Au-dessus, toute activité martiale est efficace. Donc, est-ce que vous allez être le seul de la team Sorel sur cet événement du Fight Way Bushido, où je pense qu'il y a également Nicolas Grosson, qui, je ne sais pas si je peux... Nicolas Grosson, en fait, devait participer à ce gala, mais suite à un problème de santé, il n'a pas pu effectuer ce combat contre Driss El-Bakara, plutôt. Et il a été remplacé par un autre combattant d'une autre team. Mais il y a plein de compétitions qui sont à venir au niveau international où je compte placer quand même des noms de la team Sorel comme Grosson, comme Monsieur Sangaré et bien d'autres qui arrivent et qui sont jeunes et qui, en parlant aussi familièrement, qui ont vraiment faim de combat et faim de réussite. Voilà quoi. Ben vous êtes très jeune pour déjà enseigner le Kung Fu puis avoir votre équipe. Est-ce que tous ces combattants-là, évidemment, qui représentent la team Sorel, sont moins âgés que vous encore? Ben, j'ai des moins âgés, comme je vous ai dit, ça part de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans pour la première section enfant. Et après, en adulte, je mélange ado et adulte. Ça va de 15 ans jusqu'à 30 ans au niveau de la section compétitrice. Et après, nous avons aussi des personnes qui viennent pour le loisir, hein, qui viennent pour s'entraîner, pour suer, pour se changer les idées, pour apprendre, pour travailler sur leur recherche martiale. Et d'ailleurs, j'ai mon trésorier de l'association qui s'appelle Philippe Baudino et qui est retraité des écoles, parce que c'était un professeur d'école. Cet individu n'avait jamais pratiqué aucune activité martiale ou sport de combat. Et vous imaginez, à 66 ans, cet individu-là est venu s'inscrire à la Team Sorel, et ça fait 3 ans, il a passé la ceinture bleue en kung-fu, il tourne en grappling, il tourne en free fight avec des protections, et voilà, c'est un honneur d'avoir un individu de 66 ans et à la Team Sorel. Donc je vous ai dit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de physique à avoir. À toutes les personnes qui nous entendent aujourd'hui à la radio, là, ben, je vous invite à pratiquer un sport de combat et un art martial, parce que c'est voilà quoi. Qu'est-ce que vous, bon, les combattants de la Team Sorel, est-ce que vous avez une caractéristique spéciale, que ce soit dans votre style de combattant, que ce soit philosophiquement ou peu importe, ou peut-être même, je sais pas, physiquement, je sais pas, lors d'un combat, est-ce que vous vous faites tout raser les cheveux? Est-ce qu'il y a une particularité où les gens qui voient un événement de sport de combat là, en France, puis qui peuvent dire, ah ben ça c'est un gars de la Team Sorel, ou une fille, parce que j'imagine qu'il y a également des femmes, est-ce qu'il y a vraiment une particularité bien à vous? Ben, la particularité, soit elle s'effectue pendant le combat, parce que on a à peu près tous la même panoplie technique, indirectement, mais on le reconnaît, le Team Sorel, parce que c'est une grande famille, en fait. Quand il y a une compétition, vous n'allez pas voir que les compétiteurs, vous allez avoir la famille des compétiteurs, vous allez avoir les amis de la des compétiteurs, et c'est tout le monde en groupe, genre... C'est familial, quoi. C'est vraiment une équipe de famille. Et le style du Team Sorel, c'est la famille, quoi. On est tous regroupés. Voilà. Qu'on continue si vous avez autre chose. On vous écoute. Après, au niveau de dire, ouais, ça, c'est un gars de la Team Sorel. Ouais, peut-être qu'il va avoir le t-shirt Team Sorel ou le short, mais on ne se rase pas la tête, on ne va pas se faire un tatouage sur le crâne à la Van der Leyen Silva en train de marquer Team Sorel. Mais maintenant, également, est-ce qu'il y a des opportunités de pouvoir effectuer plusieurs combats ou ça, il faut vraiment les chercher pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions en France qui sont offertes à vous et à vos combattants? Ben, quand il y a des compétitions, plutôt des galas organisés, c'est vrai que le Team Sorel, il est assez sollicité. Pour l'instant, j'ai beaucoup de demandes par email, tout ça, que ce soit en grappling, en pancras, en kung-fu, en kenpo, et dans plusieurs styles différents. Parce qu'en fait, on a quand même un réseau d'organisateurs et de combattants qui s'apprécient. Ça fait qu'on arrive quand même à trouver un peu des combats. Mais en France, comme je vous ai dit, comme vous le savez bien, c'est interdit, le MMA est interdit, donc c'est pas évident pour nous de s'exprimer en France. Donc on s'exprime dans des compétitions de pancras professionnelles, mais c'est pas toujours évident. Combien de membres y a-t-il dans votre équipe au total? Au total, en comptant les enfants? Ouais, du plus vieux au plus jeune. Ben, on est 75. L'année dernière, on tournait à 105, et là, on est à 75 élèves. Donc, Voyez-vous les gyms à travers la France peut-être être de plus en plus populaires, ou le MMA, tranquillement, est-ce que vous voyez une certaine acceptation s'en venir pour le MMA? En fait, j'ai pas tellement bien compris la question. Point de vue, vu que le MMA, comme nous on le connaît, est illégal en France, est-ce que vous pensez que le public français s'approche de l'accepter en tant que sport, comme que nous on le connaît avec les coups au sol et tout? Ben en fait, moi je pense que c'est pas le public qui est contre, parce que comme vous voyez, par exemple, des jeux qui sur la Xbox, PlayStation, tout ça, qui sort UFC et que il est vous allez vouloir en acheter et il est en rupture de stock, ça veut dire quand même que le public est demandeur de tout ce qui est UFC, de tout ce qui est combat en cage, combat MMA, tout ça. Mais après, moi je pense que c'est la France, c'est un pays où il y a trois grosses fédérations, comme la fédération de judo, la fédération de karaté, la fédération de taekwondo par exemple, où c'est vrai qu'ils ne veulent pas encore que le MMA passe, parce que je ne sais pas, c'est vrai que quand on voit à la télévision des reportages où ils montrent que des combats sanguinaires, où ils montrent vraiment des combattants qui n'ont aucune situation professionnelle, c'est vrai qu'un individu va voir ça et va se poser des questions, quoi. Il va dire c'est ça le MMA, donc automatiquement ça ne pourra pas encore passer. Là maintenant on est sur la bonne voie parce qu'on a eu des bons événements, aucune blessure grave, que des blessures légères, des politiciens qui aiment le MMA, donc c'est sympa. Donc ça commence un peu à doucement ouvrir les esprits des personnes qui étaient complètement fermées sur cette activité sportive. Alors, Yvan Sérel, merci beaucoup de ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Nous, on va être vraiment intéressés à suivre la Team Sorel. Alors, tenez-nous au courant de tout ce qui va se passer. Avant de terminer, bon, on se rappelle l'événement à laquelle vous allez combattre. Vous me corrigez si je fais des erreurs, mais ce sera le 6 février prochain, à l'occasion du Fightweight Challenge 3, qui s'appelle Ultimate Bushido. Yvan Sérel, à qui on parle présentement, va être là pour affronter Bruno Frantini, qui s'entraîne au Bushido Academy Avignon, des frères Chiavo, Samy, puis James, je pense, l'autre frère. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est à Marseille, c'est à quel endroit exactement? Ça sera à Marseille, ça se déroulera dans la salle Valier, qui est une salle mythique où il y a beaucoup de rencontres de boxe pied-point et maintenant de pancrase depuis peu. Donc pour les Français qui vont nous entendre, ben, venez nombreux pour soutenir le gala et aider l'organisateur à pouvoir avoir des idées en perspective pour d'autres événements, parce que c'est pas évident d'organiser des événements si on n'a pas beaucoup de public qui vient. Et je vous remercie à vous, la radio, je remercie toutes les personnes qui aiment le MMA, qui aiment les arts martiaux, et venez nombreux pour m'encourager, si possible, pour ce combat contre Bruno Frantini. Oui, allez voir un style différent, parce que c'est malheureusement, je trouve trop rare qu'on voit un pratiquant de kung-fu à l'œuvre d'un combat de pancrase ou d'un MMA. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à contacter, évidemment, là, il y a par téléphone, c'est le 06 64 37 36 17 pour soit des renseignements ou des réservations de place. Ou sinon, l'adresse électronique, c'est contact, contact, à commercial, fightway.fr. Évidemment, on va le mettre en lien à la suite de l'entrevue. Yvan Sérel, encore une fois, merci, puis bonne chance pour votre combat du 6 février. Bonne chance également, parce que vous êtes encore tout jeune. On a hâte de voir comment votre carrière va progresser. Et beaucoup de succès. J'espère bien. Merci à vous. Un grand merci déjà à vous et à, par exemple, à tout, bah, par exemple, non, c'est merci à tout le Canada, on va dire ça comme ça. Et aussi, s'il y a un organisateur canadien qui a besoin de voir un combattant français qui représente le kung-fu, le Team Sorel sera présent. Et merci encore. Hein, merci encore. Voilà. Oh, ben, au revoir, Yvan Sérel. Merci. Au revoir.